Les jours passent et les jours vont. La vieille femme en robe sombre regarde rire les jeunes gens. Elle va la vie avec le temps. Elle va la vie avec le temps. Que croyais-tu, toi, la jolie? Toi, la si belle qu'aimait la vie, que l'on pouvait garder toujours tous ces beaux traits, désirs d'amour, tous ces beaux traits, désirs d'amour. Tes courbes fines se sont voilées, les rides creusent ta beauté. Tes yeux blanchis par la tristesse, tes jours d'ennui l'ont sans tendresse. Je sais c'est dur quand dans la glace ne reste plus de son visage qu'une peau lourde comme le temps. Sont durs les jours sans sentiment, sont durs les jours sans sentiment. Pourquoi vas-tu la tête basse pour fuir le temps et tes angoisses? Ne peux-tu pas un seul instant te regarder bien au-dedans, te regarder bien au-dedans? Encore de si beaux traits, là où tu ne regardais jamais. Écoute ton cœur, il bat toujours. Te reste encore un peu d'amour. Te reste encore beaucoup d'amour. Alors lève-toi, ouvre les yeux. C'est la grande fête, le ciel est bleu. C'est la chanson de ton jeune temps. On ne fane jamais au printemps. Alors pourquoi tu fuis la vie? Alors pourquoi vivre d'ennui? Chasse la mort, garde-toi. Te reste encore beaucoup de joie.